le dénicheur d'oiseaux. Robert était un habile dénicheur d'oiseaux. Un jour, il apporta un nid de mésange à sa sœur Lucette. « Rapporte ce nid dans la haie, les cris de ces pauvres oiseaux me déchirent le cœur, » lui dit la petite fille. « Puisque tu n'en veux pas, je vais les offrir à notre cousine. » « Que dirais-tu si des méchants t'enlevaient à la tendresse de nos parents ?» insista la bonne Lucette. Robert ne répondit pas et se dirigea vers le village voisin qu'habitait sa cousine. Chemin faisant, il rencontra un voyageur dans un cabriolet. Ce voyageur, ayant remarqué le nid que tenait le petit garçon, saisit Robert et l'enferma dans la voiture. Après quoi, fouettant son cheval, il partit au galop. Robert poussa des cris affreux en se voyant enlevé de la sorte et supplia le voyageur de s'arrêter. « Non, lui répondit ce dernier, tu n'as pas eu pitié des gémissements de ces pauvres oiseaux, pourquoi aurais-je pitié des tiens ?» Le petit garçon alors reconnut sa faute. Se prosternant devant cet homme, il jura que désormais il respecterait la vie des oiseaux. Le voyageur, en entendant cette promesse, arrêta son équipage et fit descendre l'enfant. « Ah ! S'écria Robert après avoir remercié le bon Dieu de sa délivrance. La bonne Lucette avait raison. Ils sont bien cruels ceux qui arrachent les enfants à leurs parents. »